Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 21 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Matthieu, ça vient de l'hébreu signifiant don de Dieu. C'est un garçon étrange et mystérieux, sans doute est-ce lié au fait qu'il est fortement introverti et secret, mais aussi parce qu'il possède un très grand empire sur lui-même. Timide et peu enclin à communiquer, c'est quelqu'un d'hypersensible et d'émotif qui se dissimule le plus souvent derrière une façade d'insensibilité et de distance. Cette attitude lui est sans doute plus confortable à vivre, mais ne lui permet pas de se sentir véritablement compris de son entourage, qui le qualifie un peu trop souvent d'indifférent. Il recherche la paix et la tranquillité, ce qui a chez lui un effet bénéfique, puisque cela lui permet de réfléchir, de méditer et de verser de temps en temps dans l'introspection. En effet, Matthieu est un roseau pensant, plus cérébral ou intellectuel que véritablement actif ou matérialiste. Il a l'esprit critique et une certaine tendance au scepticisme, arborant parfois un petit sourire dubitatif ou ironique au coin des lèvres. Pourtant, s'il a l'esprit de géométrie, s'il est doué pour l'analyse et peut se révéler un scientifique convaincant et convaincu, il possède également l'esprit de finesse, étant un homme d'écoute plus que de parole. Il peut, s'il va dans le sens de son 7 et 9 karmique, s'ouvrir à la psychologie, à la parapsychologie ou à la spiritualité. D'ailleurs, chez lui, pas de demi-mesure, où il est athée, voire virulent contre toute forme de foi, où il est inférieur croyant, parfois même capable de se montrer fanatique ou sectaire. C'est un nerveux qui développe principalement une activité mentale, qui connaît la solitude et a souvent une approche originale de la vie. Il est perçu comme quelqu'un d'à part. En fait, sa personnalité se réalise surtout à l'âge mûr et le plus souvent avec l'acquisition de la sagesse. Dicton du jour, alors aujourd'hui on en a plusieurs. On va commencer avec celui-ci, à la Saint-Matthieu, cueille le raisin si tu veux. À la Saint-Matthieu, les jours sont égaux aux nuits dans leur cours. À la Saint-Matthieu, s'il fait bleu, c'est qu'il fait beau, prépare tes tonneaux. Pour la Saint-Matthieu, l'automne remplace l'été. Si Matthieu pleure au lieu de rire, le vin en vinaigre vire. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale de la paix. C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. En Arménie, c'est la fête nationale commémorant l'indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique. Au Belize, c'est la fête nationale commémorant l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Au Brésil, c'est la journée nationale de l'arbre. Et à Malte, c'est la fête nationale commémorant l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Ça s'est passé un 21 septembre. En 1792, c'était la mise en place de la Convention nationale et l'abolition de la royauté en France. En 1961, Johnny Hallyday, alors âgé de 18 ans, faisait salle comble lors de son premier concert à l'Olympia. 1964, indépendance de Malte. 1981, indépendance du Belize. Et 1991, indépendance de l'Arménie. On va marquer une première pause musicale avec le groupe Oasis et leur titre Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Avec le titre Wonderwall sur RGM. Il est un peu plus de 8h38 et on va parler maintenant anniversaire. Ils sont nés un 21 septembre 1945, naissance de Jerry Bruckheimer, producteur américain. Je suis sûre que vous avez vu au moins un film et regardé au moins l'une de ses séries, tellement ce sont des films ou des séries à succès. En film, on lui doit American Gigolo, Flashdance, Le Flic de Beverly Hills 1 et 2, Top Gun, USS Alabama, Bad Boys 1 et 2, Ennemi d'État, Armageddon, 60 secondes chrono, Pearl Harbor, La Chute du Faucon Noir, Tous les Pirates des Caraïbes, Le Roi Arthur, Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, Benjamin Gates et le Livre des Secrets, Déjà Vu, Prince of Persia, Les Sables du Temps, Launch Rover, Naissance d'un Héros et bientôt Top Gun Maverick, sortie prévue pour 2019. Producteur de séries telles que Les Experts, FBI Porté Disparu, Les Experts Miami, Cold Case, Affaire classé, Les Experts, Manhattan, Close to Home, Eleventh Hour, Forgotten, Hostages, Les Experts Cyber et plus récemment Lucifer. Je vous l'avais dit, je suis sûre que vous en avez vu. On continue, mais on va rester en 1945 avec la naissance de David Michel, artiste ventriloque français. 1947, naissance de Don Felder, musicien américain qui fut membre du groupe Eagles de 1974 à 1980 et de 1994 à 2001. Il a joué bien sûr sur leur tube Hotel California, dont on écoute tout de suite un extrait. On a dark desert highway, Voilà pour l'extrait du titre des Eagles. On reste en 1947 avec la naissance de Stephen King, écrivain américain à qui l'on doit les romans Salem, Shining, L'Enfant Lumière, Dead Zone, La Ligne Verte ou encore Dôme. Adaptation cinématographique de ses romans Shining, Dead Zone, La Ligne Verte ou encore ça. Et adaptation télévisée également pour Les Vampires de Salem, tiré du roman Salem, Dead Zone ou encore Under the Dome. 1950, naissance de Bill Murray, acteur américain connu pour son rôle du docteur Peter Van Kman dans SOS Fantôme 1 et 2, vu dans Un jour sans fin dans le rôle de Phil Connors, Ed Wood, Hamlet dans le rôle de Polonius, Charlie et ses drôles de dames dans le rôle de Bosley, Lost in Translation dans le rôle de Bob Harris, Monument Men de George Clooney dans le rôle de Richard Campbell ou encore Dumb and Dumber 2. 1953, naissance de Marc Pajot, skipper et navigateur français, médaillé olympique à 19 ans avec son frère Yves, 5 fois champion du monde, vainqueur de la Route du Rhum, double demi-finaliste de la Coupe Louis Vuitton en tant que skipper. 1955, naissance de François Cluzet, acteur français, vu dans Prêt-à-porter, Le Hussard sur le toit, Mais qui a tué Pamela Rose, Ne le dit à personne dans le rôle d'Alexandre Beck qui lui a valu le César du meilleur acteur, Les liens du sang, Les petits mouchoirs dans le rôle de Max Cantara. Il reprendra d'ailleurs ce rôle dans la suite Nous finirons ensemble qui sortira l'année prochaine, vu également dans Intouchable dans le rôle de Philippe, Do Not Disturb ou encore Un moment d'égarement. 1957, naissance d'Ethan Coen, réalisateur scénariste américain, et avec son frère, on leur doit Fargo, Oscar du meilleur scénario original, O Brother, Intolérable cruauté, No Country for Old Men, récompensé par l'Oscar du meilleur film, des meilleurs réalisateurs et du meilleur scénario adapté. 1960, naissance de David James Elliott, acteur canadien connu pour son rôle du lieutenant Harmon Rapp Jr. dans la série JAG, vu dans Close to Home dans le rôle de James Conn ou encore Les Experts Manhattan ou bien Scorpion. 1962, naissance de Rob Morrow, acteur américain connu pour son rôle de Don Epps dans la série Numbers et son rôle de Jim Lefkowitz dans Entourage. 1963, naissance d'Angus McFadden, acteur écossais vu dans Braveheart dans le rôle de Robert The Bruce, Saw 3 et 4 dans le rôle de Jeff Reinhardt, à la télé dans Alias, Californication, Lie to Me, Psych Enquêteur malgré lui ou encore Esprit criminel. 1965, naissance de Frédéric Becbédé, romancier français à qui l'on doit L'amour dure 3 ans, 99 francs, Windows on the World, un roman français, réalisateur et scénariste des films L'amour dure 3 ans et L'idéal. C'est également l'année de naissance de David Wenham, acteur australien vu dans Moulin Rouge, Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi dans le rôle de Faramir, ainsi que Australia, Public Enemies, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar dans le rôle de John Scarfield. 1966, naissance de Jean-Pierre Michael, acteur français vu dans Le Juge est une femme, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, RIS, police scientifique dans le rôle de Marc Venturi, chef du RIS. Et tout récemment, cette semaine, dans Tu vivras ma fille dans le rôle du docteur Dubreuil, un tout petit rôle. Et très actif également dans le doublage. Il est notamment la voix française régulière de Brad Pitt, Keanu Reeves et voix récurrente de Ben Affleck ou encore Jude Law. 1967, naissance de Faith Hill, chanteuse américaine dont on écoute tout de suite un extrait du titre A Wild One. A Voilà pour l'extrait donc du titre interprété par Faith Hill. On continue les anniversaires, on reste en 1967 avec la naissance de Stéphane Rothenberg, journaliste, homme de télé français qui a présenté l'émission Bachelor, le gentleman célibataire. Depuis 2010, il présente Top Chef et il présente également Pékin Express. 1970, naissance de Rob Benedict, acteur américain, connu pour son rôle de Richard Code dans la série télé Felicity, vu également dans NCIS Enquête Spéciale, Medium, alias Supernatural, dans le rôle de Dieu. 1971, naissance de Luke Wilson, acteur américain, vu dans Scream 2, Charlie et ses drôles de dames 1 et 2, dans le rôle de Pete Comiskey, ou encore la série télé That 70 Show, dans le rôle de Casey Kelso. C'est également l'année de naissance d'Alfonso Ribeiro, acteur américain, connu pour son rôle de Carlton dans la série télé Le Prince de Bel-Air. 1972, naissance de Liam Gallagher, chanteur britannique, membre du groupe Oasis. 1981, naissance de Nicole Richie, actrice et styliste américaine, vue dans la série télé-réalité The Simple Life et vue également dans quelques épisodes de la série Chuck. 1983, naissance de Maggie Grace, actrice américaine, connue pour son rôle de Kim Mills dans Taken 1, 2 et 3, son rôle d'Irina Denali dans Twilight 4 et 5 et son rôle de Shannon Rutherford dans la série télé Lost, Les Disparus. C'est également l'année de naissance d'Icar, chanteur français. 1987, naissance de Ryan Guzman, acteur danseur mannequin américain, connu pour son rôle de Sean Azza dans Sexy Dance 4 Miami Heat et Sexy Dance 5 All in Vegas, vu également dans Un voisin trop parfait dans le rôle de Noah Sanborn, la série télé Pretty Little Liars dans le rôle de Jake et depuis 2018 dans la série 911 dans le rôle d'Eddie Diaz. 1989, naissance de Jason Derulo, chanteur américain. 1998, naissance de Lorenzo et Nicolas Brino, acteurs américains connus pour leur rôle de Sam et David, les jumeaux, dans 7 à la maison. Et en 2017, décédée Liliane Bettencourt, femme d'affaires française. Allez, petite pause avec Icar et son titre Lap Dance. Tu penses à quoi tu penses? Dis quand tu danses, à quoi tu penses? Icar sur le 107FM, un peu plus de 8h51, on fait un point météo. La météo. Alors, ce matin, ce sera plutôt couvert avec tout de même quelques petites éclaircies et la pluie fera son apparition pour cet après-midi. Des températures comprises entre 16 et 18 degrés ce matin, entre 21 et 23 degrés pour cet après-midi. Pour demain, samedi, pour l'ouverture de la fête de la Saint-Maurice, eh ben, il y aura une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés l'après-midi. Dimanche, journée ensoleillée également avec quelques nuages. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Europa League, et la soirée d'hier n'a pas très bien réussi, hein, nos clubs français. Marseille qui s'est incliné 1-2 face à Francfort. Bordeaux s'est incliné à Prague 1-0. Seul Rennes tire son épingle du jeu en s'imposant 2-1 face au club de Jablonec. Et à noter que Chelsea, hein, d'Olivier Giroud et N'Golo Kanté s'est imposé 1-0 à PAOK. On fait maintenant un point sur la Ligue 1 qui débute ce soir avec Monaco-Nîmes. Samedi, Lille recevra Nantes, Angers-Toulouse, Montpellier-Nice, Reims-Dijon, Saint-Étienne-Caen et Strasbourg-Amiens. Et dimanche, il y aura Rennes-PSG, Guingamp-Bordeaux et on terminera avec Lyon face à Marseille. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace au GFC Ajaccio et samedi, Metz se déplacera au Paris FC. En National 2, samedi, Épinal recevra le club de Bobigny et en National 3, samedi toujours, en étape se déplacera Sarreguemines et Thaon-les-Vosges recevra l'équipe 2 de 3. En basket, début de saison pour le Jet Vosges ce week-end à Kaysersberg. Et en National 3, Mircourt reçoit l'équipe 2 de Gries. Un mot de judo avec les championnats du monde et Mélanie Clément dans les moins de 48 kilos et Lucas Mkedez se sont inclinés hier dès le premier tour. Un mot de volley avec les championnats du monde aujourd'hui à 17h. La France affronte la Serbie, les Français qui n'ont pas le droit à l'erreur. Un mot de hockey sur glace, samedi début du championnat de Détroit et le club d'Épinal se déplace à Dijon et d'ailleurs les joueurs spinaliens pourront compter sur leurs fervents supporters puisque deux bus ont été mis en place pour rejoindre Dijon et sans compter bien sûr ceux qui pourront s'y rendre par leurs propres moyens. Et on termine avec du tennis. À Metz, hier, l'élimination de Benoît Paire en 3-7 face à Madden, 6-4, 3-6, 6-3. Gilles Simon s'est imposé en 3-7 face à Krajinovic, 4-6, 7-5, 7-5. Humbert s'est incliné en 3-7 face à Basilashvili, 6-7, 7-6, 6-3. A noter que Lucas Pouille a dû déclarer forfait. Et aujourd'hui, Gilles Simon affrontera un autre Français, Richard Gasquet. À Tokyo aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Vekic et à Gonzalo. Guangzhou, élimination hier de Ferro en 2-7 face à Wang, 6-4, 6-0. Il n'y a plus de Françaises dans ce tournoi. Allez, dernière pause musicale avec Jason Derulo et le titre What You Say. What did she say? What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? That it's all for the best. Cause it is. I was so wrong for so long, long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So, no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, but of course you did. What you say? What you say? What you say? That it's all for the best, because it is. What you say? That you only meant. What you say? What you say? What did she say? go. And ooh, oh, what I do, do. But one chance, chance, I just gotta let you know. I know what I did wasn't clever, but me and you are meant to be together. So let me in, gave me another chance, another to chance. Be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you. So tell me, girl, so what you say, that you only meant well, well, cause you did. What you say, what you say, what you say, that it's all for the best, because it is. What you say, that you only meant well, well, cause you did. What you say, what you say, what you say, what did she say? Girl, tell me what you say. I don't want you to leave me, though you caught me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right, girl. Tell me what you say. I don't want you to leave me, though you caught me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So baby, what you say? What you say? Ooh, that you only meant well, well, cause you did. Ooh, what you say? Oh, what you say? What you say? Ooh, that it's all for the best, cause it is. Ooh, what you say? What you said, Jason Derulo. Il est presque 9h, hein, et presque 8h59. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, un épisode d'Ours et Carottes. À 10h30, ce sera le retour de Plus belle la vie avec la masse du Toli. 13h30, la rediffusion des secrets de Mathilde. À 14h, rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis de Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 18h, billet de sortie. Et à 21h, vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.